Retour à la caverne. Le radeau dériva. Les remous du fleuve le faisaient tournoyer, ou bien le courant l'emportait avec une vitesse inquiétante. Plusieurs fois les louves s'étaient jetées à l'eau pour alléger l'embarcation, qui, hâtivement construite, menaçait de se disloquer. À cause des crocodiles, il avait fallu abandonner cette manœuvre. Cependant, on approcha de la rive. Là-bas, très loin, on apercevait les silhouettes des Chéléens. Pour reprendre la poursuite, il leur fallait passer le fleuve, et ils ne pouvaient le faire d'autre manière que les fugitifs. Aoun dit à Zour, « Il faut marcher jusqu'au soir. Avant 4 jours, nous aurons atteint la caverne. » Ils se regardèrent. Une même pensée germait dans leur crâne. « Aoun et Ourche sont blessés, » remarqua tristement le Oua. Loulambre répondit, « Si nous ne prenons pas d'avance, les hommes d'Aul nous extermineront. » Ourche leva dédaigneusement les épaules. Sa blessure était peu profonde. Elle cueillit quelques herbes qu'elle appliqua sur la plaie, tandis que Zour pansait son compagnon. Puis la bande s'orienta. La route fut rude à travers les terres marécageuses, mais vers le soir, Aoun et Zour commencèrent à s'y reconnaître. Le lendemain, le surlendemain s'écoulèrent, sans alerte. On était à 2 journées de la chaîne basaltique. Zour multipliait les ruses pour dérober les traces. Le 5e matin, la chaîne basaltique apparut. Du haut d'une colline, près d'un détour du fleuve, on discernait la longue arête de ses crénelures. Aoun, qui grelottait, fixa ses yeux ardents sur la masse sombre et saisit l'épaule du Oua en murmurant « Nous allons revoir le tigre d'Exam !» Un rire bas distendit ses lèvres. Le refuge où ils avaient vécu des jours pleins de sécurité, la bête immense qui était leur amie, les matins clairs et les soirs où le feu rougeoyait sur la plateforme reparaissaient en images incohérentes et heureuses. Et le grand Oulamre, tournant vers Djé à son visage amaigri par la perte du sang, reprit « Dans la caverne, nous pourrons braver 100 hommes d'Aul. » Ouch fit entendre une exclamation étouffée. Sa main se tendit vers l'aval du fleuve. Tous virent distinctement les Chéléens à 7 ou 8 000 coudées. La fuite reprit, aussi rapide que le permettaient les blessures de Loulambre et de la femme chef. Si l'on n'atteignait pas avant l'ennemi la chaîne basaltique, le sauvetage devenait impossible. Or, il fallait franchir au moins 20 000 coudées. La moitié de la distance fut parcourue, mais les Chiléens regagnaient 4 000 coudées. On les voyait accourir comme des chacals. Celui qu'ils redoutaient plus que tous les autres ensemble était affaibli par sa blessure. Ils le voyaient boiter à l'arrière de la petite horde, et avec une allégresse triomphale, ils proféraient leurs cris de guerre. Il y eut une courte halte. Aoun fixait sur Zour des yeux où la fièvre du sang se mêlait à une fièvre inquiète. Dans ce moment terrible, Loulambre retint le Oua par l'épaule. Mais on entendit plus proche les hurler. Aoun regarda Djéa, baissa la tête vers sa hanche sanglante, mesura la distance qui le séparait des hommes d'Aul. Avec un grand soupir, il lâcha Zour qui s'enfuit vers le repère du félin géant, tandis qu'Aoun conduisait les femmes et les enfants à la caverne.